De quel côté êtes-vous, fils? De notre côté, mon colonel. Vous n'aimez pas votre pays? Si, mon colonel. Alors je vous conseille de vous remotiver. Au paquet, à fond pour la victoire et la gloire de nos armes. Oui, mon colonel. Jamais demandé qu'une chose à mes marines, c'est d'obéir à mes ordres, comme à la parole de Dieu. Froid et austère, au coin d'une ruche tombe par hasard. Monument aux morts, cimetière, inscription terne. Jeunes gens, laissez dans vos cahiers vos instruments et votre quartier. L'État vous invite à une danse, vous allez tomber pour la. Connaissance. Fabrice est un jeune diplômé, Pierrot a laissé son boulot, Joseph vient juste de se marier, convaincu d'une guerre justifiée, perplexe quoi qu'ils en pensent, tous dans le même panier, ils vont certainement tomber pour la France, tomber. Tomber pour la France, plusieurs centaines de milliers, à peine sorti l'enfance, aspirant à une liberté, la tête remplie de rêves, il s'effondre sous les balles. Intérêt l'État, prime sur les pions qui valent que dalle. Le colonel, ses instructions, roulement de tambour pour la cadence. Demain c'est le grand jour, il va falloir tomber pour la France. Sur le front un peu moins marrant, les camarades sont affolés à la recherche de l'adjudant. En patatons dans les tranchées, Joseph esquive une rive de balle, puis chie à le bord de la démence, sans voir qu'il marche sur une grenade. Il est lui aussi tombé pour la France, tombé, oh tombé pour la France. Allez, tombé pour la France, plusieurs centaines de milliers, à peine sorti l'enfance, aspirant à une liberté, la tête remplie de rêves, il s'effondre sous les balles, les intérêts de l'État priment sur les pions qui valent que dalle. Pierrot retrouve femme et enfant, qui se réjouissent pas mal de ce retour si triomphant. Non loin, Pauline pleure, elle n'a pas eu la même chance, car son Joseph chéri, lui, est tombé pour la France. À peine sorti d'enfance, aspirant à liberté, la tête remplie de rêves, il s'effondre sous les balles. Normal, les intérêts de l'État, il est sur les pions qui valent que dalle. Tombé pour la France, plusieurs centaines de milliers, à peine sorti d'enfance, aspirant à liberté, la tête remplie de rêves, il s'effondre sous les balles. Les intérêts de l'État, prime sur les pions qui valent que dalle.